Ben m'a dragué. Quoi? Mm-hmm. Toi, tu n'es pas au courant. Tu as retardé. C'est pas possible, c'est pas mon Yannick. Que no más, que no más, que no más.